AXA, premier assureur des pros. Mon fils, il est dans les chiffres. Il les examine, il fait des analyses, il a son cabinet, comme les médecins. Soutenir son fils, pour Carole, rien de plus normal. Comprendre son métier, c'est une autre histoire. Chez AXA, on vous comprend. Nos conseillers accompagnent les pros en moyenne pendant 13 ans. AXA. Plus d'informations en agence ou sur pro.axa.fr. Étude pépite CSA 2022. Bon podcast avec AXA. Le cours de l'histoire. Xavier Mauduit. L'œuvre de Limoges. Les émaux pour le dire. Ces mots sont ceux de la matière fondante, ceux des minéraux. Ce sont ces mots de la chaleur, de la fusion, le champ lexical du feu. C'est le mot « champ levé » qui lève un univers de couleurs, de formes, d'images. Direction Limoges, car il y a de l'émail dedans. Au travers des siècles, Limoges a su conserver le charme de ses maisons anciennes, à l'architecture médiévale, groupées autour de la cathédrale Saint-Étienne et de son élégant clocher. C'est au cours des travaux de modernisation entrepris place de la République que les ouvriers eurent la surprise de découvrir des sarcophages remontant à l'époque où les Romains s'étaient installés dans la capitale des Lémovis, ce peuple gaulois vivant alors dans le Limousin. Dans une crypte, on découvrit le tombeau de Saint Martial et de ses compagnons qui, au IIIe siècle, introduisirent le christianisme à Limoges, dont Saint Martial fut d'ailleurs l'évêque. Je suppose que, comme cela se retrouve souvent, les défunts furent enterrés avec leurs armes, leurs bijoux ou certains objets familiers qu'on s'empresse de mettre à l'abri et qui viendront enrichir le musée. Présentation de Limoges dans les actualités Midi-Pyrénées en 1964. Bonjour Christine Décatoire. Bonjour. Pour parler des émaux, il fallait bien commencer par Saint-Martial. En effet, puisque Saint-Martial est un des pôles de la Limoges médiévale et que... Parmi les très peu d'émaux qui ont été retrouvés à Limoges même, alors que la production était considérable, il y a notamment une petite boîte qui a été retrouvée avec des scènes courtoises qui a été retrouvée à Saint-Martial. Donc ça a été un pôle très important qui faisait partie de ce qu'on appelait le château Saint-Martial avec le château Vicomtal. L'autre pôle étant celui de la cathédrale, la cité Saint-Étienne. Ce que vous nous dites, Christine Décatoire, c'est que les émaux de Limoges se trouvent partout, sauf à Limoges aujourd'hui, hein, dans ce que nous avons pu conserver. Ça signifie qu'il y a une diffusion intense de ces œuvres partout, déjà dès le Moyen-Âge. Ah, très vite, puisque la production des émaux de Limoges commence, disons, dans le deuxième quart du XIIe siècle et surtout à partir du milieu du XIIe siècle. Et dès le troisième quart, les émaux de Limoges se diffusent un peu partout en Europe. La diffusion sera très importante à la fin du XIIe siècle et sera encore accentuée au XIIIe siècle avec le canon du Concile de Latran IV utilisant les émaux de Limoges, autorisant l'utilisation des émaux de Limoges pour les vases sacrés. C'est-à-dire que une des décisions d'un concile, celui de Latran, c'est quoi, 1215, c'est celui-là ? 1215, ouais. C'est de dire vous avez le droit d'utiliser des émaux pour les vases sacrés. Tout à fait, pourvu cependant que les saintes espèces soient au contact de l'or. Ah oui, parce que quand même, faut pas faire n'importe quoi avec ces objets sacrés. Bonjour Frédéric Tixier. Bonjour. Mais la grande question qui se pose ici, d'accord, Limoges, d'accord, les émaux, grande diffusion, mais pourquoi Limoges ? Alors, d'une part, je pense qu'il y a plusieurs raisons à ça. C'est sans doute aussi parce qu'il y avait aussi une grande partie des matériaux sur place, hein, notamment les opacifiants, les textures. Vous aviez aussi une eau qui était relativement acide et qui permettait aussi de laver, dont on en avait besoin pour produire ces émaux de Limoges. Donc, il y a plusieurs facteurs, en fait, qui va favoriser aussi, et cette ville est finalement un peu... au carrefour de différents chemins. La seule chose qu'ils n'avaient pas, et c'est un peu la grande question qu'on se pose encore aujourd'hui, c'est le cuivre. Parce qu'il n'y a pas de cuivre en Limousin. Et pour faire des émaux champs levés, notamment de Limoges, il vous faut du cuivre, absolument. Hein, puisque c'est sur plaque de cuivre. Et donc là, c'est la grande question que se posaient depuis très longtemps les historiens d'art. D'où provient ce cuivre, hein, parce qu'il en faut beaucoup pour produire ces émaux. Alors, il y a différentes hypothèses. Sans doute, les plus probables, c'est les réseaux monastiques, puisque le Limousin était aussi une grande région d'abbaye. Autour, on a parlé effectivement de Saint-Martial. Il y a la grande abbaye de Grandmont, qui n'est pas très loin aussi de Limoges, qui va rayonner et qui va comme ça égrener des maisons, filles, qui vont créer des réseaux. Et ils vont se mettre généralement aussi proches des mines et sans doute du côté du Rouergue ou de la Cévenne, des Cévennes, qui produisent du cuivre. Donc là, on a le cuivre. Donc c'est bon, on a la base pour pouvoir faire ces émaux champs levés. Parce que bien sûr, quand on dit pourquoi Limoges, pourquoi Limoges se spécialise dès le 12e siècle, 13e siècle dans les émaux, c'est pas une évidence, ça aurait pu être ailleurs. Là, nous sentons qu'il y a un faisceau d'éléments qui nous conduisent à cette histoire. Une histoire qui nécessite malgré tout d'expliquer que sont les émaux. Qu'est-ce que c'est ? Alors limaille, on voit bien, on imagine bien, mais le mot a été utilisé champ levé. Comment vous faites des émaux, Christine Décatoire ? Vous allez me dire, moi j'en fais pas, je les étudie. En fait, l'émail est une poudre de verre colorée par des oxydes métalliques. Et dans le cas des émaux champ levé, parce qu'il y a diverses techniques d'émaillage, une plaque de cuivre est utilisée, plus ou moins épaisse, entre 2 et 5 mm. Et dans cette plaque, on va creuser des alvéoles qu'on appelle des champs, lever des champs, d'où le terme champ levé, et placer cette poudre d'émail dans ces champs. Et évidemment, cuire, et même il y a plusieurs cuissons en fonction de la température que les émaux peuvent supporter. Et en cuisant, l'émail fond et se solidarise avec le métal. Ensuite, quand on sort la pièce du feu, on va polir ces émaux de manière à ce que... On va dorer les parties dites réservées, c'est-à-dire non émaillées, avec une dorure au mercure, en amalgame de mercure. C'est-à-dire qu'on va poser une dorure qui contient du mercure et en chauffant, le mercure va s'évaporer et la dorure va rester sur le cuivre. Et ensuite, tout ça sera poli, un travail de polissage assez long qui permet d'avoir des pièces vraiment finies. Oui, et puis très, très fines, très belles, parce qu'il y a plusieurs techniques. Là, nous parlons du champ levé, donc c'est ça, c'est une plaque de métal creusée. Quand nous regardons et que nous visitons les musées, et notamment le musée de Cluny, et là, évidemment, on pense à vous, Christine Décatoire, puisque vous êtes conservatrice générale du patrimoine et chargée des collections d'orfèvrerie et des textiles occidentaux au musée de Cluny, c'est à Paris. Il y a différents types d'émaux, j'allais dire, excusez-moi du terme, mais plus ou moins grossiers. Il y a des émaux extrêmement fins, puis d'autres qui font des formes un peu plus rebondies. Quelles sont les autres techniques qui étaient utilisées, peut-être même avant cette technique du champ levé ? Oui, alors il y en a plusieurs, effectivement. Alors, elles sont des techniques anciennes, que même les Romains connaissaient aussi. Le cloisonné, donc là on va créer par soudure des cloisons. Plutôt que retirer de la matière, on vient pratiquement en apporter. Le cloisonné, le champ levé. Et puis après, va se développer, mais là on dépasse le Moyen-Âge, à la fin du 15e siècle, une autre technique de l'émail peint, notamment. Mais il y en a aussi d'autres au Moyen-Âge aussi, l'émail translucide, l'émail sur ronde bosse d'or, etc. Vous avez tout. Pour Limoges, effectivement, l'émail peint. L'émail sur cuivre revient à la fin du Moyen-Âge, mais entre deux, se sont développées des techniques extrêmement raffinées aussi, qui sont les émaux translucides sur basse taille, c'est-à-dire sur bas-relief, néassienne à la fin du XIIIe siècle, et puis l'émail sur ronde bosse d'or dont parle Frédéric, un émail généralement opaque, mais pas toujours, opaque ou translucide, sur du volume, sur de la ronde bosse d'or. Ça demande une grande technicité de réussir à faire des émaux. C'est extrêmement fragile dans la conception, c'est très fin, c'est très délicat, c'est de la poudre. Alors c'est de la poudre de minéraux, mais que l'on colore pour donner cet aspect de verre. On ne peut pas faire des émaux très facilement, même avec un mode d'emploi. Je vous écoute, là je comprends comment on les fait, mais c'est très dur à réaliser. Alors Limoges va vraiment se perfectionner dans le champ levé. Peut-être les premiers émaux de Limoges vont réutiliser de la poudre des verres gallo-romains. on va réutiliser des tesselles de mosaïque. Et on le sait assez bien grâce aux techniques, hein, et notamment aussi aux analyses qu'on a pu faire. Ça, c'est pour les premiers. Puis après, on va perfectionner la technique et ça va se développer donc, tout au long du XIIe et XIIIe siècle, qui sont vraiment les deux grandes périodes hein, de l'apogée de cette œuvre de Limoges. C'est-à-dire qu'on utilise des tesselles, donc ces petits carreaux qui servaient à faire les mosaïques, qui venaient de l'Antiquité, mais on recycle la chose, c'est ça ? Oui, les premiers temps, très probablement. Il y a eu des réutilisations de verre gallo-romain ou romain pour simplement là aussi... Bah, pour le matériau hein, qu'on va réutiliser, enfin, recyclage un peu avant l'heure, puisqu'on en parle beaucoup aujourd'hui, mais ce sont des techniques qui existaient. Et très probablement, les premières, on va dire, la toute première génération des émaux limousins ont réutilisé une partie de verre, de tesselle, de mosaïque et romaine. Ensuite, ça ne suffira pas, puisque la production est très importante. Il faudra aussi créer ce verre et ne pas seulement réutiliser des verres antérieurs. Et puis, cette matière fondante, ce verre, nécessite d'être coloré. Alors là aussi, il y a toute une gamme de couleurs, de pigments, lesquels ont le plus de succès ? En fait, on utilise beaucoup le cobalt pour le bleu. On utilise du cuivre pour des couleurs allant du rouge au vert, et puis aussi du fer pour le jaune. Et principalement, ce sont les principales couleurs utilisées, mais ensuite il y a des nuances, parce qu'il y a beaucoup de bleu, par exemple, dans la palette des couleurs limousines, dans la palette colorée des émaux limousins. Il y a beaucoup de bleus différents, dont ce fameux bleu lapis qui a fait le succès des émaux de Limoges. Hein. Une belle histoire que celle des émaux de Limoges. Limoges, dans deux techniques au moins, par l'ingéniosité de ses artisans, jouit d'une universelle renommée. Porcelaine de Limoges, émaux limousins sont demeurés fameux. Mais si les porcelaines sont d'invention, d'implantation relativement récente, la seconde moitié du XVIIIe siècle, les émaux sont à Limoges une industrie tant de fois séculaire qu'il n'est pas mauvais de se pencher sur ce phénomène. L'émaillerie limousine paraît remonter jusqu'au XIe ou au XIIe siècle. Deux périodes bien distinctes la marquent chaque fois d'une technique différente. L'émaillerie chanlevée d'abord, l'émaillerie peinte depuis la fin du Moyen-Âge. Qu'ils soient chanlevés ou peints, les émaux sont essentiellement composés de produits siliceux et plombeux que des oxydes métalliques colorent et que la cuisson dans un four vitrifie. La plaque de fond, dans l'une et l'autre technique, a toujours été, à Limoges, le cuivre. Voilà, bah, il a écouté parfaitement le début de l'émission. Pierre Verlet, conservateur au musée du Louvre, historien de l'art, qui s'exprimait dans l'émission Heure de culture française en 1956. Un bon résumé de tout ce qui a été dit. Ces émaux, champs levés, un petit peu dépassés après le Moyen-Âge. Hein, c'est la Renaissance, on va dire, avec les émaux peints, qui sont encore une autre technique. Mais tout ça n'est pas marqué par des ruptures très nettes. C'est une longue évolution. Frédéric Tissier, nous l'avons dit, pourquoi Limoges ? Ben, faisceau d'éléments qui fait qu'à Limoges, oui, là se développent les émaux. Mais pourquoi les émaux ? À quoi ça sert ? Enfin, alors, la notion d'utilité n'est pas là, mais quand nous évoquons le concile de Latran de 1215 qui dit « vous pouvez utiliser des émaux pour les vases sacrés », ça veut dire qu'il y a une vraie attention portée à ces œuvres. Oui, tout à fait. Et puis aussi, le pape va être aussi un commanditaire de l'œuvre de Limoges hein, pour la fameuse confession de Saint-Pierre, puisqu'il va commander aux Limousins un décor du tombeau de Saint-Pierre, hein, qui est en partie encore visible aujourd'hui. C'est effectivement, alors, sont des émaux aussi qui sont finalement aussi assez solides. Hein. Ils s'abîment difficilement. Et donc, c'est ce qui va aussi faire en partie leur succès. Peut-être aussi une technique à moindre coût par rapport à la grande orfèvrerie avec, on parlait de l'émail translucide ou l'émail sur ronde bosse d'or qui sont des techniques extrêmement coûteuses à l'époque. L'œuvre de Limoges, je crois, va aussi répondre un petit peu à la demande, 12e, 13e siècle, avec l'essor d'une classe de la bourgeoisie, etc. Et donc va répondre comme ça avec différentes qualités. Ce qui va, avec une clientèle, ce qui va aussi favoriser son développement extrêmement important. Quand on dit l'œuvre de Limoges, c'est quoi? C'est toute cette production des mots? Tout à fait. L'œuvre de Limoges, en fait, opus lemovicense, en latin, terme qui apparaît dans les textes, dans les documents écrits à partir de 1167-1169, à peu près à la fin des années 1160, désigne l'ensemble de la production limousine, donc à la fois à Limoges et dans le Limousin. Et désigne l'ensemble des objets qui ont été réalisés, fabriqués par les ateliers des mailleurs limousins, que ce soit des objets religieux, et on y trouve toute la gamme des objets religieux, et aussi des objets profanes. Alors les objets profanes sont beaucoup moins nombreux aujourd'hui parce qu'ils se sont moins bien conservés. On parle, par exemple, de médaillons qui étaient rivetés, fixés sur des coffrets. On parle de petites boîtes aux scènes courtoises, comme la boîte qui a été trouvée sur le site de Saint-Martial. On parle de boucles de ceinture. On parle de pièces de harnachement de chevaux et de chandeliers, par exemple. Et dans ces scènes courtoises, moins bien conservées, c'est simplement parce qu'il y avait une utilisation qui faisait que ces objets, une fois démodés, étaient un peu laissés comme les bijoux, hein, qu'on laisse au bout de quelques générations de côté, contrairement aux œuvres religieuses qui, elles, étaient conservées dans les églises. C'est sans doute pour ça l'écart de conservation entre les deux. C'était en grande partie à cause de ça, en effet. Et un certain nombre des émaux profanes qui sont parvenus jusqu'à nous, l'ont été parce qu'ils se sont retrouvés à un moment ou à un autre dans un trésor d'église, comme toujours cette petite boîte aux scènes courtoises, qui a pu être au début une boîte à onguents et qui, probablement dans le trésor de Saint-Martial, a pu contenir des reliques. Il y a eu un changement d'usage et il y avait aussi beaucoup de dons des seigneurs à des églises qui ont pu comporter des objets profanes. Tout est recyclé, hein, comme les tesselles des mosaïques de l'Antiquité, recyclées dans les premiers temps pour faire des émaux. Les boîtes profanes recyclées pour en faire des reliquaires, et globalement tout est recyclé, les os aussi. À Limoges, des milliers de personnes ont assisté hier à l'ouverture des 65e ostensions septennales, présidées par son Excellence Monseigneur Bertoli, nonce apostolique à Paris, en présence des évêques de Limoges, Périgueux, Poitiers, Agen, Dax, Tulle, Angoulême, et du révérend père abbé de Ligugé. Les ostensions limousines sont une ancienne coutume religieuse. C'est en 994 qu'eut lieu la première ostension à Limoges, où, pour conjurer la terrible épidémie du mal des ardents, les reliques de Saint Martial, apôtre de l'Aquitaine et premier évêque de Limoges, ont été montrées au peuple. La coutume de l'ostension solennelle, établie tous les 7 ans à Limoges à partir de 1519, s'est ensuite instituée dans plusieurs localités du diocèse. Tous les 7 ans, en effet, les reliques des saints abritées dans les églises limousines sont portés à la vénération des fidèles. Ces reliquaires sont pour la plupart des œuvres d'orfèvrerie émaillée sorties des ateliers limousins du Moyen-Âge. Ouverture des ostensions à Limoges, c'est en 1967. Frédéric Tixier, vous êtes maître de conférence en histoire de l'art médiéval à l'Université de Lorraine. La monstrance eucharistique, genèse, typologie et fonction d'un objet d'orfèvrerie. C'est quoi ça, cet objet? Alors, c'est une pièce qui sert à montrer en fait l'hostie, notamment pour la grande procession de la fête Dieu, qui est en fait une des pièces liturgiques peut-être les plus importantes du monde médiéval, hein, et même après, hein, puisqu'elle va servir jusqu'à aujourd'hui. Mais finalement, elle arrive aussi assez tardivement, on va dire, dans le groupe des objets liturgiques, puisque généralement, on la place au cours entre la fin du XIIIe et le début du XIVe siècle. Ah oui, donc c'est tout à fait la période qui nous intéresse pour les émaux de Limoges. Hein, la monstrance eucharistique, c'est un ouvrage, le titre d'un ouvrage que vous avez écrit, une étude que vous avez réalisée, Frédéric Tixier, avec une réflexion sur l'utilité de ces émaux et les reliquaires qui ont été évoqués dans l'archive. Nous étions en 1967, qui sont sortis, promenés. Ce sont ces mêmes reliquaires du Moyen-Âge. C'est ça aussi la destination de ces émaux de Limoges? Oui, bien sûr. Et en fait, ça tombe bien puisque nous sommes 2023. C'est la période de l'ostension septennale, enfin des grandes qui ont lieu en ce moment, à Limoges et dans le Limousin, hein, puisque voilà, c'est pour ça que il y a grande festivité en ce moment dans tout le Limousin, qui a été en plus une pratique qui a été classée au patrimoine immatériel de l'UNESCO il y a quelques années, et auquel je crois tous les Limousins sont très très attachés, de ressortir ces objets dans des grandes processions, etc., notamment évidemment beaucoup de reliquaires médiévaux. Ça veut dire que tous les 7 ans, à part quelques chaos liés à l'histoire depuis le XIIIe siècle, ou peut-être un peu plus tard, elles commencent quand ces ostensions On en a trace, je crois, dès la fin du Xe. Ah oui. Oui, dès justement, elles étaient utilisées traditionnellement en période d'épidémie, hein, pour effectivement repousser le fameux mal des Ardents ou des épidémies de peste. Hein. Là, c'est une longue tradition aussi médiévale de ressortir tout ce qui est objet de protection lié au divin. Et depuis lors, elles ont toujours eu cours. Et effectivement, depuis quelques années, elles reviennent très fortement dans le milieu limousin. Et c'est vrai que l'année 2023 est une période, une année des grandes ostensions limousines. Donc, c'est là où historiens, historiennes, conservateurs, historiens d'art se précipitent pour aller les voir. Non, vous pouvez les étudier, et notamment plus facilement au musée de Cluny, où nous pouvons les voir. Le musée de Cluny conserve énormément de pièces d'orfèvrerie absolument sublimes du Moyen-Âge. Quant aux émaux, il y a une grande collection à Cluny. Oui, je dois dire que nous avons une grande collection d'émaux et des divers émaux dont on a parlé, presque tous, hein, et que particulièrement la collection d'émaux champs levés des 12e, 13e et un peu 14e siècle, puisque la production se raréfie au 14e siècle, constitue une part très importante de notre collection, à tel point que nous lui avons consacré une salle. Et cette salle contient un petit peu tout l'éventail des objets limousins et des objets produits par les ateliers limousins, dont différentes chasses, puisqu'avant les reliquaires monstrances, on trouve de très nombreuses chasses en forme d'église ou de chapelle ou de petites maisons de tailles différentes. Il y en a des toutes petites, il y en a des très grandes qui représentent soit les épisodes de la vie d'un saint. Ce sont des chasses narratives souvent très vivaces, très enlevées. Par exemple, nous avons deux chasses au musée de Cluny qui représentent le martyr et l'ensevelissement de Thomas Becket, qui a été assassiné dans sa cathédrale de Canterbury en 1170 et canonisé dès 1173. Et le nombre de chasses produites à Limoges, qui devait être considérable, puisqu'il en reste une cinquantaine aujourd'hui, de saint Thomas Becket, montre la diffusion rapide de ce culte, permet de percevoir à quel point ce culte s'est rapidement diffusé. Et par ailleurs, la production même des chasses a contribué à la diffusion de ce culte. Par ailleurs, il y a aussi des chasses christologiques, plus statiques, avec le Christ en croix sur la caisse et le Christ bénissant en majesté sur le toit, entouré de saints. Et là, on a une vision plus statique et tout aussi importante que ces chasses narratives sur les vies de saints et les martyrs des saints. Oui, parce que ces émaux de Limoges peuvent se retrouver sur plein de supports différents. Nous avons évoqué ces chasses, et c'est vrai que ça peut être très impressionnant, hein, ces maisons en taille réduite. Mais il n'y a pas que des émaux, il y a beaucoup d'or, il y a des pierres précieuses. Et puis, ces émaux peuvent se retrouver sur des petits objets ou des plus petits objets, ou simplement une partie d'un objet beaucoup plus vaste, Frédéric Tissier. Il y a tous les possibles, en fait, avec ces œuvres. Oui, disons que là encore, ils ont une grande diversité aussi pour répondre un petit peu aux besoins. Aux besoins liturgiques, mais aussi aux besoins peut-être plus profanes, hein, comme on l'a dit, puisqu'il y a autant, il y a aussi des émaux profanes. Donc effectivement, on va avoir toute dimension, toute taille, depuis la toute petite boucle de ceinture jusqu'à la grande chasse de Saint-Calmine, par exemple, qui est une des plus grandes chasses de l'œuvre de Limoges, hein, de très grande dimension, là aussi en fonction des usages, etc. Ce qui est aussi est toute cette iconographie qui est finalement relativement facilement accessible, chatoyante par la couleur des émaux ou de l'or, va favoriser aussi ce succès. Oui, parce que l'idée, c'est vraiment ça, hein, c'est d'éblouir, évidemment, les émaux participent d'un ensemble beaucoup plus vaste où d'autres artisans sont mobilisés, des orfèvres spécialisés dans les pierres. On voit vraiment que au moment de constituer un reliquaire ou tout autre élément ou vase sacré, c'est tout le monde qui est mobilisé, et puis il faut aller le plus loin possible. Mais c'est très impressionnant d'ailleurs à voir encore aujourd'hui, hein. Oui, tout à fait. Et il y a des ateliers qui comprennent à la fois des maîtres, des compagnons, des apprentis. Et on a même réussi, par l'étude des œuvres, des grandes chasses, mais aussi d'œuvres plus modestes, à comprendre qu'il y avait une division du travail au sein de ces ateliers. Le maître fabriquait les éléments les plus délicats et les apprentis, par exemple, faisaient les fonds dorés avec le tremblé, qui est cette machine qui permet d'avoir, cet outil qui permet d'avoir un effet un peu tremblé, justement, sur certaines chasses. Donc il y a cette sorte de division du travail à l'intérieur des ateliers Limousin. Oh bah direction l'atelier. Dans un ancien moulin sur les bords de la Briance, au pont de Saint-Paul, entre Condat et Solignac, se trouve la fabrique de poudre d'émail que dirige Bernard-Charles Lavoisel. Un endroit idéal pour travailler en paix, mais ce n'est pas par hasard si elle est située ici. Limoges est, comme vous le savez, la patrie de l'émaillage en France. Et cette usine, qui était autrefois dans les alentours de Paris, est venue s'installer depuis 12 ans. Plus proche de la clientèle, justement à côté de Limoges. Plomb et silice sont les éléments fondamentaux auxquels on adjoint oxyde de cuivre, bioxyde de manganèse, oxyde d'antimoine, de cobalt, de fer ou d'autres corps pour obtenir les verts, les bleus, les jaunes ou les rouges. Nous étions en 1982 dans la cristallerie de Saint-Paul. Alors, Christine Décatoire, savoir comment étaient produits ces émaux, c'est un vrai questionnement, parce que nous sentons qu'il y a une proto-industrie, parce que nous sommes au XIIIe siècle, il y a une production qui est vraiment importante, hein, quand on voit la diffusion dans toute l'Europe. Que sait-on? Qui les produit? Déjà, nous sommes chez des particuliers, enfin je veux dire, c'est un monde privé, ce n'est pas dans les monastères, ou ça peut être aussi dans les monastères? Il peut éventuellement y avoir des ateliers dans les monastères. La plupart des ateliers sont des ateliers laïcs. Beaucoup étaient situés à Limoges même, et on suppose même qu'ils étaient assez concentrés dans un quartier de Limoges, mais il y en avait aussi dans le Limousin. On ne sait pas grand-chose ces ateliers. On ne connaît quasiment pas les noms des émailleurs. On a très très peu de documents sur le fonctionnement des ateliers, même si on a tiré des enseignements de l'observation même des œuvres, mais il y a très peu de documents et il y a très peu d'œuvres signées, notamment. Il y a un ciboire, c'est-à-dire un contenant servant à abriter les hosties consacrées, qui est un ciboire absolument merveilleux au Louvre, qui s'appelle le ciboire d'Alpé, et qui là est signé. Il est indiqué que Alpé m'a fait à Limoges. C'est très intéressant parce qu'on a le lieu. Il y a aussi une croix conservée également au Louvre, la croix de Garnerius, avec également une signature et l'indication de Limoges. Et un troisième élément qui est aujourd'hui conservé à Frassinoro en Italie, un chandelier signé par Constantin de Limoges. Mais en fait, il y a extrêmement peu de signatures. On ne connaît pas les noms. Ces œuvres sont anonymes, même si on sait que ces émailleurs étaient très importants et avaient un rôle très important, répondant aux commandes à la fois des ecclésiastiques, des grands monastères et aussi des seigneurs. Et puis ensuite, avec le développement de la bourgeoisie, des bourgeois à partir de la seconde moitié du XIIIe siècle, on va dire. Oui, des gens importants au sens où ils manient des objets précieux qui valent très cher. Il y a de l'or aussi dans cette histoire-là. Frédéric Tissier, sur cette économie des émaux à Limoges. Alors, beaucoup d'inconnus, mais la possibilité quand même de réfléchir. Vous parliez de ces quelques objets signés. Il est possible d'identifier des ateliers, de voir des grandes familles dans toute cette œuvre de Limoges? Oui, même si effectivement, comme Christine l'a très bien dit, c'est difficile, hein, en l'absence de beaucoup de sources. Autant c'est une diffusion assez très importante jusqu'en Russie, hein, dès le 12e, 13e, on en retrouve en Russie, on sait qu'on décommande, souvent aussi par l'abbaye Saint-Victor de Paris. Paris devait peut-être être aussi un relais vers la Norvège, puisque la Norvège en conserve un certain nombre encore in situ dans les trésors d'église. Donc oui, très probablement. Alors après, effectivement, qui étaient vraiment ces émailleurs ? Ça, c'est voilà, on a quelques noms. Il y avait sans doute une division du travail, ça c'est clair, je pense aussi. Alors, quelquefois, c'est souvent intéressant, quand on regarde certaines pièces, il y a des petites erreurs qui apparaissent, qui pourraient suggérer que c'est plutôt l'apprenti qui a fait ces erreurs plutôt que le maître. Je pense notamment, puisqu'à un moment donné, effectivement, on va rajouter ce qu'on appelle une tête d'applique sur, donc qui va donner un peu de relief, la tête du personnage. Et sur quelques pièces de Limoges, ben, par exemple, vous avez le corps de la Vierge, mais vous avez la tête d'un homme dessus. Ah oui, voilà. Ben ça, c'est une erreur. Voilà, c'est une petite erreur, peut-être, d'un apprenti, mais ça c'est voilà, des hypothèses. Effectivement, c'est peu de choses, si ce n'est effectivement que, alors, production sérielle, c'est peut-être un peu fort, puisque c'est un terme contemporain, mais clairement, effectivement, il y a une sérialisation, une production très importante pour répondre à ces demandes, depuis, comme on disait, effectivement, les religieux, jusqu'aux grands laïcs, aussi aux rois, qui vont aussi commander des tombeaux. Hein, pour notamment Saint-Louis va commander deux magnifiques tombeaux qui étaient à Saint-Denis, de l'œuvre de Limoges, Geoffroy Plantagenet également, la dynastie des Plantagenets, qui vont commander des très gros tombeaux émaillés de l'œuvre de Limoges. L'œuvre de Limoges, les émaux pour le dire. Polyphonie aquitaine du XIIe siècle, enregistrée à Saint-Martial de Limoges dans le cours de l'histoire sur France Culture avec Alexandre Manzanares comme enfant de chœur et réalisateur de cette émission, accompagné aujourd'hui de Grégory Gualon à la technique. L'œuvre de Limoges. Il y a peut-être des petits éléments pour expliquer Limoges. Vous nous en avez donné un, Frédéric Tissier, une eau particulière qui va permettre de nettoyer plus facilement. Bon, mais pas de cuivre. Limoges. On sent qu'il y a une publicité énorme, mais dès le Moyen-Âge, autour de ce nom même. Et comme nous disait Christine Descatoires, il y a l'inscription Limoges sur certains objets. Il y a de ça aussi, c'est que Limoges est reconnu, et dès lors presque incontournable. Oui, effectivement, ce sont des émaux aussi qui vont être facilement identifiables. On va reconnaître l'œuvre de Limoges, hein, l'Opus Limovicense, comme on l'a dit dans les sources, et on va les commander notamment de très loin. On va les faire venir même jusqu'en Terre Sainte. Hein. On a de l'œuvre de Limoges, encore conservée aujourd'hui à Jérusalem, etc., sans doute venue par le biais aussi des croisades. Donc, on a vraiment là un marché presque. C'est une des œuvres, une des productions médiévales, peut-être, qui est le plus à l'international. Je dirais. Oui, parce que tout le monde veut avoir son reliquaire, quelques émaux de Limoges, quelque chose qui vient de l'œuvre de Limoges. Ah oui, tout à fait. On en trouve aussi au monastère Sainte-Catherine du Sinaï. Donc oui, au Sinaï, ça nous conduit jusqu'en Égypte, oui. Fait, et beaucoup en Italie aussi, puisque, comme le disait Frédéric, le pape, et notamment Innocent III, a été très amateur des mots de Limoges, et également les cardinaux, puisqu'il y a ce fameux cardinal Gualabicchieri, qui avait commandé des pièces en émaux de Limoges, et pas forcément d'ailleurs des pièces religieuses. Il avait des coffrets, alors on a pu les lui offrir, et il a pu en commander d'autres, qui étaient ornés de médaillons représentant soit des animaux fantastiques ou des combats d'animaux ou des combats d'hommes et d'animaux, soit des scènes courtoises et chevaleresques. Et ce Gualabicheri avait notamment un très grand coffre qui est aujourd'hui une des pièces majeures du musée de Turin, Palazzo Madama. Et on a retrouvé en fait ce coffre avec ses ossements à l'intérieur. Alors aujourd'hui ils n'y sont plus, hein, mais c'était et lui aussi c'est quelqu'un qui a fréquenté l'abbaye Saint-Victor et a été en contact avec les Victorins à Paris. Il était d'ailleurs légat du pape et il a fait des missions sur le continent et notamment en Angleterre, en France, et il a pu aussi être au contact de ces émaux. C'est dingue, hein, comment au Moyen-Âge, ces moines censés être enfermés à prier dans leur couvent sont en réalité sans cesse en contact avec le monde entier, avec des réseaux. Mais c'est ça qui nous permet de comprendre ce succès. Alors, des émaux de Limoges, parce que je veux pas parler d'effet de mode, mais en tout cas, il y a une renommée qui permet de comprendre pourquoi tout le monde en veut. Et puis, l'importance, hein, de tous ces reliquaires. Il faut vraiment des belles œuvres pour placer ces reliques. Mais malgré tout, s'il y a une telle demande, j'imagine qu'il y a d'autres centres de production en Europe. Il n'y a pas que Limoges qui fait des émaux. Il y en a d'autres ? Bien sûr. Alors vous allez avoir, puis Sine, je pense que tu compléteras, vous allez avoir un peu les concurrents, je veux dire entre guillemets, parce que la production sera moins importante, mais de très belle qualité, peut-être un peu plus complexe dans l'iconographie, c'est les émaux d'Entre-Rhin et Meuse, on va dire, hein, Rhénomozan, qui vont être aussi très importants, avec de grands chefs-d'œuvre, Lampon de Klosterneuburg, etc., autour de Nicolas de Verdun, qui vont un petit peu peut-être concurrencer, mais une autre clientèle sans doute aussi, dans un certain sens, et qui sont tout à fait extraordinaires aussi. C'est toujours du champ levé, mais je dirais que c'est une autre... je veux dire, un autre style. Oui, pour compléter ce que dit Frédéric, c'est ce qu'on appelle les émaux septentrionaux. Bon, Rhénomozan, mais pas seulement. Il y a aussi des productions dans le nord de la France, en Champagne, un peu en Angleterre et même jusqu'en Saxe. Et ce sont des émaux qui répondent à des programmes iconographiques assez complexes, notamment ce qu'on appelle la typologie, c'est-à-dire les comparaisons entre l'Ancien et le Nouveau Testament. C'est-à-dire que ces émaux comprennent souvent des scènes de l'Ancien Testament qui font référence au Nouveau Testament. Il y a beaucoup de croix typologiques. Il y a le fameux pied de croix de Saint-Bertin qui est conservé au musée de Saint-Omer. Des pièces exceptionnelles. Ils ont commencé un tout petit peu avant, la production a commencé un tout petit peu avant celle des émaux de Limoges. Elle a été moins importante en termes de quantité, mais très importante du point de vue de l'histoire des émaux. Alors, il n'y a pas forcément beaucoup de relations entre les émaux septentrionaux et les émaux méridionaux, quoi qu'il y en ait quand même certaines. Et nous avons au musée de Cluny 4 médaillons qui représentent des scènes de l'Ancien Testament, des médaillons en cuivre ajouré non émaillé, puisque les ateliers limousins ont aussi produit des objets en cuivre non émaillé, souvent en relief, avec des personnages en demi-relief. Hein. Et ces 4 médaillons sont très clairement influencés, je ne sais pas si c'est le terme, mais en tout cas montrent des liens avec les émaux septentrionaux, notamment aussi par la présence d'inscriptions, parce qu'il y a très peu d'inscriptions sur les émaux limousins. Et là, il y a des inscriptions qui commentent en fait les scènes. Et ils étaient probablement sur un coffret eucharistique, puisque certaines scènes sont considérées comme des préfigurations de la crucifixion et de l'Eucharistie. Et je veux terminer sur cet exemple pour dire que nous avions 3 de ces médaillons qui appartenaient à la collection d'origine du musée, la collection d'Alexandre du Sommerard, et nous venons d'en acquérir un 4e, le 4e connu. Et donc, nous pouvons présenter la série de quatre au musée. Voilà, bah c'est comme si on allait voir les Émaux de Limoges, non pas à Limoges, mais au musée de Cluny à Paris. Et c'est très bien parce que c'est cette relation aussi qui montre combien ces Émaux intéresse, mais avec un aspect beaucoup plus concret qu'est simplement la question de solidité. Alors vous nous avez dit, Frédéric Tixier, c'est assez solide. C'est solide pour ce qu'on veut en faire. Oui, oui, mais c'est vrai que c'est aussi une raison aussi, on les a relativement bien conservés hein, encore aujourd'hui, parce que effectivement la matière vitreuse est quand même cuite à haute température, donc c'est assez solide, peut-être plus solide encore que les émaux translucides qui sont d'une très grande qualité, mais qui sont extrêmement fragiles. Et le prix, donc. Alors, là aussi, la notion d'abordable, etc., ne veut pas dire grand-chose. Mais enfin, il est possible de produire assez facilement et c'est accessible pour un dignitaire de l'Église qui voudrait équiper sa cathédrale ou une paroisse. Même des petites églises ont commandé des pièces limousines. On trouve par exemple une chasse de Saint Thomas Becket au Vigan, près de Mauriac, qui est une toute petite localité en Auvergne. Et qu'est-ce que j'allais dire ? Ah bah sur ce succès même au plus près des petits paroissiens, ils peuvent retrouver ça parce que le prix était c'est pas donné ces choses-là, mais c'est un prix relativement modeste. Et puis surtout ce que je voulais dire, c'est que d'un côté on a cette production en nombre qui rend les œuvres relativement peu coûteuse relativement, bien sûr, mais à côté, il y a les grandes commandes qui sont beaucoup plus coûteuses, des commandes qui viennent par exemple de l'ordre de Grandmont, du monastère de Grandmont, de l'abbaye de Grandmont, et on a au musée de Cluny aussi deux pièces du retable de l'hôtel majeur de Grandmont. Évidemment, ces commandes uniques et spécifiques étaient beaucoup plus coûteuses et aboutissait à la création d'œuvres beaucoup plus coûteuses. Donc il y a vraiment les deux dans l'œuvre de Limoges, ces commandes uniques, hein, ces unicas, et cette production presque stéréotypée, enfin, qui deviendra de plus en plus standardisée dans la deuxième moitié du XIIIe siècle. Il faut attendre le XIVe siècle pour sentir un début de déclin. Comment peut-on l'expliquer ? Ben, disons que je pense que l'œuvre de Limoges, Jean Levé, disparaît progressivement à partir des années 1320-1300, première moitié du XIVe siècle, hein, la production sans doute aussi peut-être par aussi un changement de goût, hein, aussi, très probablement, hein, on va passer à d'autres techniques, etc. La ville peut-être s'endort un petit peu, alors il y a peut-être aussi un élément économique travailler aussi pour expliquer ces raisons, mais je pense sincèrement aussi l'œuvre de Limoges, la grande période, c'est 12e-13e, puisqu'elle répond aussi à un goût, comme on l'a dit, ils ont su très bien s'adapter, je pense, aussi à une clientèle, à la demande aussi du marché, qui a fait véritablement leur succès. Et puis après, les attentes ne sont plus les mêmes, en fait. C'est ça, et ce qui donnera le coup de grâce, mais dans une production qui est déjà ralentie et qui s'est déjà relocalisée, c'est le sac de Limoges par le prince noir en 1370. À partir de ce moment-là, c'est quasiment l'extinction des ateliers des Mauchamps Levés limousins. Et donc l'émail ne disparaît pas à Limoges. Le Champ Levé, lui, disparaît. Contexte politique, changement de demande, hein, simplement moins de demande pour ces émaux-là. Mais l'innovation demeure. Maintenant, on se met à peindre. Monsieur Blanchet, quelles sont donc les origines de cet émail peint ? À la fin du XVe siècle, les émailleurs limousins ont trouvé cette nouvelle technique. Ils ont remplacé le Champ Levé et le cloisonné, c'est-à-dire la murette qui soutient les émaux et qui les empêche de rentrer les uns dans les autres, par un simple trait de noir, en principe toujours du noir, au pinceau avec des essences de térébenthine. Et c'est ce trait qui, lui, ne peut plus empêcher les émaux de s'interpénétrer. C'est une technique extrêmement délicate, extrêmement difficile, parce que Lorsque vous avez commencé un émail, vous ne pouvez pas l'abandonner. Et c'est Blanchet émailleur qui s'exprime en 1971, l'émail de tradition, avec la question de l'innovation. L'œuvre de Limoges, c'est, allez, on va dire 13e, 14e siècle, vraiment le moment majeur de cette œuvre de Limoges. Il y a une évolution au fil du temps, ce n'est pas une reproduction sans cesse, alors des images, des figurations, mais également des techniques. On voit, avant d'arriver à l'émail peint, une évolution. Oui, oui, dans cette période du 12e à la première moitié du 14e siècle, si d'un côté il y a une grande permanence des formes et des décors dans l'œuvre de Limoges, il y a aussi des évolutions à la fois dans le style et dans la technique. Et dans la technique, ce qui se voit le plus facilement, c'est que dans les premières décennies, les personnages vont être émaillés sur des fonds dorés, fonds qui peuvent être lisses ou qui peuvent être gravés de petits rinceaux, on dit vermiculés. Et petit à petit, dans les années 1180, 1185, 90, apparaît une autre technique qui va bien sûr coexister avec la première, mais qui va avoir un succès considérable parce qu'elle permet de répondre davantage à la demande croissante de pièces limousines. C'est quasiment l'inverse de la précédente, c'est-à-dire que ce sont les fonds qui vont être émaillés, avec souvent des petits motifs de rosettes qui parsèment ces fonds, et ce sont les personnages qui seront réservés, c'est-à-dire non émaillés, dorés et gravés. Par exemple, les plis des vêtements, les drapés, les traits des visages vont être gravés. Et donc, on a vraiment une sorte d'inversion, si on peut dire, hein. Et ces deux techniques coexistent, mais la deuxième, qui est plus rapide d'exécution et d'une certaine manière aussi plus facile d'exécution, mais qui permet aussi peut-être d'accentuer, de préciser les détails des personnages et des éléments en réserve, se répand de façon très, très importante. Ceci dit, dans le XIIIe siècle, autour des années 1220-1230, vont se présenter des œuvres qui sont en quelque sorte un retour, mais différemment à la première technique, ou une forme d'archaïsme. C'est par exemple les deux reliquaires de Saint François d'Assise recevant les stigmates, dont un complet est au Louvre et l'autre incomplet est au musée de Cluny, et qui présente à nouveau des personnages émaillés sur des fonds dorés, avec des petites étoiles et des rosettes en réserve. Il y a une relation à faire avec l'enluminure ? Oui, très probablement, hein, effectivement. D'ailleurs, Saint-Martial de Limoges est un des grands centres avec son scriptorium. Hein, dès l'an 1000, produit des enluminures de très belle qualité. Et effectivement, sans doute, les émailleurs vont s'inspirer aussi des décors des enluminures et sans doute peut-être aussi inversement. Hein. Il faut considérer aussi que beaucoup de productions artistiques médiévales avaient une très grande perméabilité. Et très probablement, effectivement, on va dire que les arts de la couleur sont quand même Limoges est un des grands foyers de la production des arts de la couleur du Moyen-Âge. Et oui, parce que ces émaux, c'est le Moyen-Âge. Mais c'est... Ah, attendez, mauvaise nouvelle. 4 millions, c'est la valeur des 31 émaux volés la nuit dernière au musée de l'évêché de Limoges, des pierres qui dataient de la période du 11e, 12e et 13e siècle. Le musée était gardé la nuit par une seule concierge. Le déclenchement du signal d'alarme s'est produit par une curieuse coïncidence, au moment même où éclataient de nombreux pétards à l'extérieur du musée à l'occasion du réveillon du 31 janvier. Alors le réveillon du 31 janvier est sans doute celui du 31 décembre, présenté dans les actualités en 1981. Cette annonce d'un vol d'émaux en 1981 permet aussi d'évoquer la réappropriation des émaux de manière beaucoup plus tardive. Quand vous disiez, Frédéric Tissier, que ces émaux, c'est aussi une des images que nous avons, une des images mentales du Moyen-Âge. Quand on ferme les yeux, on pense à une scène du Moyen-Âge. Il y a les enluminures, mais il y a les émaux également. Christine Descatoire, il y a cette réappropriation au 19e siècle du Moyen-Âge par les émaux, on les recherche, c'est collectionné. Tout à fait. Là, je vais commencer et puis laisser la parole à Frédéric qui a vraiment fait des recherches sur les collectionneurs du 19e siècle. Il y a une sorte de résurgence du Moyen-Âge et du goût pour le Moyen-Âge au début du 19e siècle. Et parmi cette résurgence, le goût pour les émaux du Moyen-Âge et notamment les émaux au champ levé est très important. Et petit à petit, dans les grandes collections du début du 19e siècle, mais aussi de la deuxième moitié du 19e siècle, on va vouloir posséder des émaux de Limoges, qu'on appelait d'ailleurs émaux incrustés ou émaux byzantins. Et chaque collectionneur voudra avoir des émaux de Limoges. Oui, effectivement. Alors, disons qu'ils vont passer un petit peu, voilà, ils vont être oubliés durant le XVIIe, XVIIIe siècle, même s'ils rentrent dans certains cabinets de collectionneurs d'érudits. Bernard de Montfaucon, par exemple, qui est un grand érudit de la première moitié du XVIIIe, va en posséder à Saint-Germain-des-Prés, dans son abbaye. Mais c'est vraiment un retour, on va dire, un retour en grâce au XIXe siècle, avec la constitution des grandes collections de ce qu'on appelait d'objets haute époque. Terme qu'on utilise encore aujourd'hui sur le marché de l'art, avec ces collectionneurs qui vont se prendre de passion pour l'œuvre de Limoges. Et en fait, chaque grande collection qui se constitue souvent à Paris, parce que Paris est un des grands marchés de l'art au XIXe siècle, doit posséder de l'œuvre de Limoges. Donc on a, alors il y a beaucoup aussi d'aristocrates russes qui viennent à Paris collectionner. Il y a aussi des grandes dynasties françaises, Basilevski, Soltikov, etc. sont les Carans et autres vont vraiment collectionner l'œuvre de Limoges. Et on peut voir aussi que au départ, si au début du 19e siècle, ils sont peu coûteux, à la fin du 19e siècle, le prix a énormément augmenté. Et qui dit collection, qui dit marché de l'art, dit filou. Qui est Louis Marcy ? Alors Louis Marcy est un extraordinaire faussaire. C'est un Italien, c'est Luigi Parmigiani qui vient en France, qui va franciciser son nom en Louis Marcy. Il a une vie assez rocambolesque, comme on peut la voir entre la fin du 19e et début du 20e siècle. C'est un anarchiste, il va faire de la prison, etc. Mais il va réussir à se faire une carrière et une autorité en tant qu'antiquaire, notamment à Paris et surtout à Londres. Et il va vendre de l'œuvre de Limoges, mais qui sont en fait pratiquement tous des faux. Et il va les vendre au musée, beaucoup musée anglais, Kensington, qui est l'ancêtre du Victorian Albert Museum. Ce sont des pièces extraordinaires pour l'inventivité. C'est la technique du champ levé, mais d'une très très grande qualité qui en fait véritablement un personnage tout à fait fascinant. Voilà, ce ne sont pas des vraies œuvres, ce ne sont pas des copies, parce que l'intention était vraiment de tromper, mais enfin, il y a le respect du geste et de la tradition. Oui, je pense qu'il y a un goût de Marcy pour le Moyen-Âge qui est très, très fort et très puissant. Et ce qu'il va faire, d'ailleurs, c'est mélanger des styles. Et bon, il faut aller voir la Galleria Parmigiani à Reggio Emilia, donc Marcy a surtout sévi, entre guillemets, entre 1870 et 1914, mais ensuite il revient en Italie, et comme il a des difficultés financières, en 1932, il revend sa collection à la commune de Reggio Emilia, qui à cette époque pensait que c'était vraiment des pièces du Moyen-Âge. Et petit à petit, en étudiant la collection, on s'est aperçu que c'était des créations, en fait. C'est intéressant, et je pense qu'il faut le voir comme ça. Ce sont des créations du 19e siècle, sauf que ce sont des faux parce qu'il les a fait passer pour médiévales. Et il s'inspire de différents styles, que ce soit roman, gothique, il mélange les styles et pour faire des créations assez extraordinaires, en fait. Moi, je vais me permettre une dernière question, parce qu'il y a toujours le risque du chauvinisme dans ces histoires-là. Alors, pas le vôtre, pas le mien, mais celle de la gloire française de l'œuvre de Limoges. Est-ce que c'est authentiquement quelque chose qui est reconnu, ou est-ce qu'on va retrouver dans d'autres pays d'autres centres de production d'émaux? Ils vont dire, on en est très fiers, c'est ici que ça se faisait. Alors, je pense qu'on va dire l'aire méridionale de la France va être un grand centre de production. Après, le nord de l'Espagne aussi hein, va être des Moyen-Âge aussi, à Silos, par exemple. Là, on va retrouver des émaux au champ levé. D'ailleurs, on sait aussi que les émailleurs limousins bah, circulent. Hein. Ils sont, voilà, ils sont à Montpellier sans doute vers le XIIIe siècle. Ils vont aller dans le nord de l'Espagne. Peut-être la grande abbaye de Conques hein, va aussi produire... des émaux. Donc en fait, après, ça va se diffuser voilà, dans différents centres. Mais je pense quand même que voilà, le Limousin, enfin, l'Opus Lemovicensis, d'où tire son nom, est quand même un des grands centres. Voilà. Vous le confirmez, Christine Descatoires. Oui, c'est vraiment une production, on pourrait dire, internationale pour l'époque qui n'a pas vraiment d'équivalent, même s'il y a eu d'autres productions très importantes. Mais on trouve un nombre important de pièces limousines un peu partout en Europe, puisqu'on a dit Scandinavie, Russie, le Sinaï, Jérusalem, dès le Moyen-Âge. Hein. Et puis on a évoqué Louis Marcisse Fosser qui copiait l'œuvre de Limoges, et on copie que ce qui est intéressant. Donc merci beaucoup, merci à vous d'être venus, Frédéric Tixier, Christine Descatoires. Nous, il nous reste qu'à aller faire un petit tour, bon, à Limoges, bien sûr, et puis au musée de Cluny à Paris. Et pour la bibliographie, vos ouvrages, je renvoie au site internet lecoursdelhistoire.franceculture.fr. Merci beaucoup à tous les deux. Il est temps pour nous de retrouver, bon, c'est l'œuvre en lui-même, c'est Gérard Noiriel, le pourquoi du comment. Pourquoi s'intéresser à l'histoire du phallus dans l'Antiquité ? Il existe en France un grand nombre de petites revues spécialisées qui jouent un rôle essentiel dans le progrès des connaissances historiques, même si elles sont ignorées le plus souvent du grand public. J'ai puisé les informations de ma chronique d'aujourd'hui dans la revue Archimède, publiée par l'Université de Strasbourg, consultable en ligne. L'un de ses derniers numéros est consacré aux représentations du phallus dans l'Antiquité. Les lois de l'époque victorienne interdisaient les reproductions de tout ce qui était jugé indécent ou obscène parce qu'elles étaient considérées comme des évocations de la sexualité. Cette pudibonderie a eu des effets négatifs pour la recherche. Beaucoup de documents anciens représentant des images d'organes génitaux humains ont été détachés, en effet, de leur contexte matériel d'origine, enfermés dans les cabinets secrets des musées et cachés à la vue du public. L'objectif du dossier publié par la revue Archimède était de combler les lacunes de la recherche sur les parties sexuelles du corps en prenant pour objet les représentations du phallus en Égypte, en Asie mineure, en Grèce et dans l'Empire romain. Le but étant de mieux comprendre les significations culturelles et les fonctions rituelles associées à ces images. Ces recherches montrent les multiples usages symboliques que les gens de ces époques lointaines pouvaient faire du phallus dans les pratiques funéraires, mortuaires ou médicales, mais aussi dans les rituels de la procréation et de la fertilité. Le phallus jouait aussi un rôle important dans les conventions inventées pour distinguer les enfants des adultes ou pour susciter le rire et détourner le mauvais œil. La fonction symbolique du phallus apparaît bien, par exemple, dans le mythe d'Osiris, assassiné puis démembré par Seth, le dieu de la confusion, du désordre et de la perturbation. Le mythe raconte que les organes génitaux d'Osiris furent dévorés par des poissons du Nil, ce qui nous éclaire sur les valeurs que les Égyptiens attribuaient alors à cet organe. Symbole de la virilité et de la fécondité, le phallus pouvait se transformer pour devenir un instrument de domination et de violence dans le cadre des luttes pour le pouvoir royal. Le phallus est très présent aussi dans les nombreuses scènes d'humour représentées dans la céramique grecque. Les parodies du phallus dans la peinture de vase peuvent être vues comme une façon d'ironiser sur l'omniprésence du sexe masculin dans la société athénienne en tournant en dérision une norme masculine de virilité que ces parodies imitent tout en la transformant. L'exemple le plus significatif est sans doute celui du phallus mythologique du personnage mi-animal, mi-humain qu'était le satyre. L'un des principaux enseignements que les spécialistes ont tirés de cette enquête sur le phallus dans l'Antiquité, c'est que, sauf exception, sa fonction n'était pas d'alimenter des représentations obscènes.